Le maître de la transe est de retour. Il a rejoint le nouvel ordre mondial afin de combattre les méchants Anonymous. Triangle, triangle, triangle, avec un œil dedans. Illuminatemum.